Bonjour. Bienvenue sur le service d'information de la préfecture de police de Paris. Cet appel vous sera facturé 0,225 centimes d'euros la minute. Appuyez sur la touche étoile de votre téléphone.